Le véhicule devant moi entre sur le carrefour à sens giratoire. Je ne dois jamais suivre aveuglément un véhicule. Je manque de visibilité sur la gauche et le danger ne peut venir que d'ici. Un motard arrive. Je ne peux absolument pas entrer sur le rond-point. Réponse B.